Blond, blonde. Content, contente. Français, française. Brun, brune. Mignon, mignonne. Sportif, sportive. Roux, rousse. Amoureux, amoureuse. Blanc, blanche. Noir, noir. Fatigué, fatigué. Bleu, bleu. Dynamique, dynamique. Célibataire, célibataire.